Mais voici qu'apparaît la reine, répondant au premier billet que Don Salluste a dicté à Ruy Blas et lui a fait signer Don César. Le piège ayant réussi, Don Salluste surprend les deux amants, mais s'engage au secret à condition que la reine renonce au trône et s'enfuit avec Ruy Blas. La reine va céder quand Ruy Blas se dévoile enfin. « Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. » Mais, après cet aveu, Ruy Blas tue Don Salluste avec l'épée qu'il lui a dérobée par surprise, puis il s'empoisonne. Il mourra, apaisé par le pardon de la reine, qui lui réaffirme son amour en l'appelant de son vrai nom, Ruy Blas.